أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. سننطلق في خلال هذه الخطبة عن آية عظيمة في كتاب الله، ونحن نعلم أن القرآن كله عظيم. Lors de cette khutba, nous allons démarrer avec un verset du Coran très très important. Sachant très bien que tout le Coran est important. Même la lettre qui n'a à nos yeux aucune signification, elle a sa signification et son importance. Un exemple, Qaf, c'est une lettre. Peut-être que nous on va minimiser la chose, on va dire non c'est pas important, mais là c'est important. Madame vient bonjour, la kitabillah, tant qu'elle se trouve dans le livre de Allah subhanahu wa ta'ala, elle a sa place et son importance. Peut-être que toi tu n'en connais pas l'importance, peut-être que toi tu n'en connais pas le sens et la signification, mais hada, c'est pour ça que tu vas dire que non c'est pas important. Walakin hiya anha ma'naha. Alif lam mim. Elle a son importance. وهذه الآية بارك الله فيكم هي يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. Si tu les implores, si tu les invoques en dehors d'Allah سبحانه وتعالى bien entendu, لا يسمعوا دعاءكم, ils n'entendent pas vos invocations. Et ce verset-là que je vais te compléter en terminant, c'est pour ceux qui invoquent autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons parlé dans le khutab qui nous a dit avec nous sur le dua de l'islam, et nous avons parlé du dua du mashrou', du masnoun, comme le dua de l'asma illa al-husna et de ses al-ula. Nous avons parlé du dua de sa amalihi al-salih de l'insan. Nous avons parlé le jumu'ah al-madiya du dua بطلب الدعاء من رجل صالح. Nous avons vu lors de cette série où on a parlé beaucoup de la dua et de l'importance de la place de la dua, on a vu qu'il y avait la demande par l'intermédiaire d'une personne pieuse, par l'intermédiaire de ses bonnes actions, par l'intermédiaire des noms divins, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui on va voir qu'il est important de croire que tout ce qui arrive, ce n'est pas la prédestination, on n'est pas en train de parler de la prédestination, mais idnillah, on parlera de la dua et la prédestination si on est vivant la semaine prochaine. Amalyam, هذه الآية التي ما كملتها وهي إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. والله سبحانه وتعالى يخاطبنا ويقول افترضنا لو سمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. الله سبحانه وتعالى dans ce verset qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. Si vous les invoquez en dehors de moi, ils ne vous entendent pas. الأموات أموات الله يرحمهم. Les morts sont morts. إن لله وإنا إليه راجعون. ميتين ما سمعوش. افترضنا يسمعوا دعاءك. En supposant qu'ils puissent entendre ces du'as. D'accord, on a évoqué un mort en supposant. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? وَلَوْ سَمِعُوا دُعَاءَكُمْ يَعْمِ entre parenthèses, دُعَاءَكُمْ مَا سَجَابُوا لَكُمْ. Ils ne pourront pas exaucer votre demande. Et en plus de ça, le plus pire, c'est ce qui vient après. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. كيف سمع الله؟ الله سمى هذا النوع من الدعاء شرك. كم الله سبحانه وتعالى تنسى جهد الدعاء شرك. ما نعرفش ان نتعجبوا كي نقولوا بالدعاء لغير الله شرك. الناس تلقاهم يتفلسفوا معاك يقول لك هذا غير خلط علينا. سبحان الله. quand on évoque des choses pareilles et qu'on dit que c'est du shirk, attention, ne demandez pas autre que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est de la peur, ah, vous êtes hada, da, rire, khabat, al-shirk, ou kufur, ou kada, ou kada, kada. Ya, c'est quelle nusus. C'est-à-dire, ayam du Qur'an, aya azima. Ça, c'est un verset qui est publié du Qur'an. On n'a pas sorti ce verset de l'autre terre. On l'a sorti où? On l'a trouvé fait kitabillah. Si on a compris ce verset-là et des versets comme celui-là, il y en a beaucoup. مثل هذه الآيات كثيرة جدا في القرآن كثيرة جدا في القرآن هذه الآية تبين لك أيها الأخوة تبين لكم وجوب اعتقاد النفس والضر بيد الله وحده سيدي اختلال سيدي مصدر ici que celui qui possède le bien ou celui qui peut s'éloigner d'un mal c'est Allah سبحانه وتعالى Il faut savoir une chose, barakallahu fikoum. Hadi al-hajal ibn Afouha gare. Al-khayr min Allah. Al-khayr min Allah. Wa al-shabr bina kasabat aydina. Et le mal, c'est ce qu'on a fait de notre propre main. Rabbi subhanahu wa ta'ala yaqul. Zahar al-fasad fil barri wal bahri bina kasabat aydina. Ce que vous pouvez voir sur terre, sur mer et dans les airs, en mal, c'est ce qu'on a fait de nos propres mains. Tout ce qui vient d'Allah, Abi Aqida, barakallahu fikum, tout ce qui vient d'Allah, khayr. Min Allah, ila dunya indana, kulluhu khayr. Tout ce qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, jusqu'à sur terre, c'est un bien. Sur terre, cette sagesse divine, هذه الحكمة الإلهية, هذه الحكمة الإلهية تنقسم إلى قسمين, خير وشر. الشر الذي نراه شرا هذا بأم أعيننا, أما عند الله خير. Ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien. C'est une sagesse divine que nous on ne connaît pas la réponse, on ne connaît pas cette sagesse là. Arrivée sur terre, elle se divise en deux. Il y a le bien, il y a le mal. Ce que tu crois être mal, c'est un bien. Mais toi, tu ne connais pas ton bien, il est où? لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْءٍ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ خَيْرَكْ يَعْلَمُ خَيْرَ الرَّاءِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Et vous ne savez pas. C'est pour ça que أحيانا نرى ونشاهد أشياء تخالف عقلنا أو عقولنا ونقول آه هذا لماذا ونتفاعل وكيف et on se pose des questions pourquoi et comment pourquoi on a fait ça pourquoi il n'a pas fait ça يا أخي بارك الله فيك لا تتدخل في شؤون الله ne rentre pas ton grain de sel dans les œuvres de Allah subhanahu wa ta'ala le jour où tu pourras compter tes cheveux que tu as sur ta tête tu pourras parler d'autre chose أنت عاجز أنت ضعيف أنت مسكين Tu es faible, tu ne peux rien faire. Et tu veux parler pourquoi là il a fait, pourquoi là il n'a pas fait. Compte combien tu as de cheveux sur ta tête. Et le jour où tu me donneras la réponse, on parlera de choses, barakallahu fik. Subhanallah. Mais nous ne te dakhal fi umur. La ta'nina. Wallahu la yis'alik anha. Allah, il ne te posera aucune question. Il ne te demandera pas pourquoi ou comment. Et pourquoi tu as pas fait ça et pourquoi tu as fait ça. Il ne te posera pas ce genre de questions-là. Comme des fois, il y a des gens, ils viennent, ils se posent la question, qu'est-ce qu'un asa Moussa? Comment était le asa de Moussa? Le bâton de Moussa? Ça sert à quoi de savoir comment il était le bâton de Moussa? Il était grand, il était petit, il était en bois, il était en fer, il était en plastique, il était en verre, il était en chêne, il était en pain. Où je dois le faire asa à Moussa, alayhi salam? Subhanallah. Ça, c'est des questions qu'on pose. Kullu shayin, ghayrullahi makhlouq. Tout ce qui est en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est créé. Tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est créé. فَهُوَ عَاجِزٌ وَمُحْتَاجٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ Il est incapable, il est faible, il est impuissant. Et en plus de ça, il est dans le besoin, il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. يَحْتَاجُ إِلَى اللَّهِ subhanahu wa ta'ala. وَفَقِيرٌ إِلَى فَضْلِهِ Et il est faible, il est pauvre devant la grâce d'Allah wa rahmatihi et de sa miséricorde. Il a besoin. فالناس والمخلوقات عموما هم الفقراء إلى الله والله وحده هو الغني. Ici, الناس والمخلوقات. Qu'est-ce qu'on va comprendre de ça? On va diviser les choses en deux. On va dire la créature et la création. La créature, c'est tout ce qui a une vie. Les humains, les animaux. La création, ce sont les solides. Ce sont les solides. Les montagnes, le vent, le soleil. Ça, c'est la création divine. Les montagnes, etc. Ce sont la création divine. Et même l'akhlouqat, le bachar, les humains, les animaux, et tout ce qui a une vie. Hum el fuqara ou ilallah. Ils sont tous pauvres devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu wahdahu wal ghani. Et c'est Allah le riche. فَلِمَدَا يَا اَيُّهَا الْإِخْوَى بَرَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَأَيَّتُوَ الْأَخَوَاتِ الْكَرِيمَاتِ بَرَكَ اللَّهُ فِيكُنَّا لِمَدَا نَسْأَلْ غَيْرَ اللَّهِ لِمَدَا نَسْأَلْ غَيْرَ اللَّهِ Parce qu'on demande à autre que Allah si on sait qu'on est tous pauvres et qu'on a besoin de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et on a besoin de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi demandons-nous à autrui? Pourquoi demandons-nous à autre que Allah subhanahu wa ta'ala? On sait qu'on est le riche. Et quand je dis le riche, c'est le riche par excellence. Regarde. Depuis le premier homme qui est Adam alayhi salam jusqu'au dernier homme, Allah alayhi salam, on ne sait pas qui il sera. Regarde combien de bouches Allah subhanahu wa ta'ala nourrit par jour. Regarde depuis le premier homme jusqu'au dernier homme. Tout le monde mange. Ada yakul al-ham, wada yakul al-hout, wada yakul al-jaj, wada yakul al-fawakih, wada al-banan, wada al-shina, wada al-lahm. Wa ila yumina hada, khazainu Allah mamlu'a. Et jusqu'à aujourd'hui, les coffres d'Allah subhanahu wa ta'ala sont encore pleins. Le poisson, on mange du poisson, on mange du poulet, on mange de la viande, on mange des fruits, on mange des légumes, on mange des céréales, on mange de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Du premier homme au dernier homme, et les coffres d'Allah subhanahu wa ta'ala sont vides, elles sont pleins. Les coffres d'Allah sont pleins. Allez les riches, demande à Allah subhanahu wa ta'ala, laisse al-ghayr Allah. Ne demande pas à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Limada, on l'a vu, on commence à la khutbah, qu'est-ce qu'on a dit? Royaume al-qiyamah, et le jour du jugement dernier, يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. Les gens que tu as demandé, qui n'étaient pas responsables, qui n'étaient pas responsables, parce que attention, si maintenant, comme on peut voir des fois, on peut voir des chiires, qui se prennent pour des chiires et qui ne sont pas chiires, qui se prennent pour des savants et qui ne sont pas des savants, et qui détruisent l'islam au nom de l'islam, mais en vérité, c'est au nom de l'ignorance qu'ils le font, ils ont des adeptes, ils ont des adhérents, ils vivent avec ces adeptes et ces adhérents de leur poche, un tatardin tishtar al-mahar al-lil, au tata'ad au fil akhir où il dit l'akhir il dit le flouche et il les mange gratuitement. Lui, si il meurt, il ne dit pas à ses adhérents de attention, quand je vais mourir, ne demandez pas, quand je serai mort, ne me demandez rien du tout. S'il ne le fait pas et qu'il se tait et que les gens ils viennent autour de sa tente et commencent à demander, ça il ne rentre pas dans ce verset là hein. Celui qui a demandé comme ça, il ne rentrera pas dans ce verset là. Celui qui يكفرون بشرككم كفر الانسان كان امثيو الحمد لله كان امثيو رجل صالح يتنعم في قبره فضل الله فضل الله كان بيان لي مسكين سي با سكي باس يا دي جون يجيو لتور دو ساتون بيان دوموندي يا شيخ فلان يا شيخ فلان انت يعني كنت انسان طيب وانسان تقي وانسان عالم وانسان يعني فيك الخير فاليوم نطلبوك وانت مت وانت تقرب الى الله ولا ما ترانا في الدنيا الى اخره فاستجب لنا فكذا فكما فرزقنا فشكينا الى اخره. هذا يوم القيامه وش يقول؟ ينوض يقول له الله بعدوني من بعدكم الوان يفو دي مواج من الوان دي فو. نعم ومن هنا كان المتفرد وحده في الضر والنفع هو الله سبحانه وتعالى الخالق الكريم. وإذا علمنا أن سيد والد آدم هو محمد صلى الله عليه وسلم ليس من ناحية الشرف والنسب فحسب كما هو مرغوم فيه عند الناس بل هو أيضا كذلك من حيث التقوى والخشية لله سبحانه وتعالى. On sait que la place du prophète عليه الصلاة والسلام, la place qu'il a vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui a attribué cette place là, on sait les honneurs que lui fera déjà qu'il lui a fait dans Dunya et qu'il continuera à lui faire une Al-Qiyamah et qu'il lui fera au paradis. On sait que le prophète alayhi salatu wa salam, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala. bien qu'on n'a pas besoin de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah sait ce qu'on a besoin. Ça vient dans nos esprits. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi demander à Allah, parce que Allah sait ce qu'on a besoin, on n'a pas besoin de demander. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de l'orgueil. Comment tu ne demandes pas ton créateur? Oui, mais il sait ce que j'ai besoin. C'est pour ça que je ne lui demande pas. Anna mutakabbir, anna jahil. Ou c'est un orgueilleux, fayudrab bahruh. Alors, les orgueilleux, bien sûr, quand je dis ça, c'est pour faire un thème d'humour. C'est pas toi et moi qu'on va lui frapper son dos. Vous m'avez compris. Anna jahil, yata'allam. L'ignorant, on lui enseigne. Et je vais dire que c'est kabbar ala rabbi. Anna maladayish, parce que rabbi, c'est pas la balou. Là. Allah subhanahu wa ta'ala aime bien que tu l'implores. Allah subhanahu wa ta'ala aime bien que tu pleures devant lui. Allah subhanahu wa ta'ala aime bien que tu lèves tes mains et tu dis Ya Allah, Ya Rabbi. Pourquoi on ne le fait pas? Ou bien on fait comme on avait dit la dernière fois? Salam alaikum. C'est comme ça qu'on doit respecter Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça qu'on vous a dit aussi un point très important à retenir, c'est que tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien. Arriver sur terre, ça se divise en deux. Ihtiram al-wa'adab al-ma'allah, la naqulu anna shar'in min Allah. On ne dit pas que le shar'i vient d'Allah. Had al-adab al-ihtiram ma'a khaliqina. Ibrahim alayhi salam, notre prophète Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Fa'idha marittu, fa'huwa alladhi yashfin. Ou fa'huwa alladhi yashfin, na'am. Et quand je tombe malade, on sait très bien que la maladie d'où elle vient, on le sait. Regarde comment le prophète Ibrahim a.s. il a répondu. C'est-à-dire, quand je tombe malade, il n'a pas attribué le mal ou la maladie venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand c'est moi qui tombe malade, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me soigne et qui me guérit. Qu'est-ce que le prophète a.s. il nous a dit? Il nous a dit « Ana sayyidu waladi adama yawm al-qiyama wala fakhar » Moi, je serai la personne sayyid, c'est-à-dire la personne la plus élevée le jour du jugement dernier devant toutes les créatures, devant tout le monde, wala fakhar, et ce n'est pas par orgueil. Ce n'est pas par orgueil. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fi hadith al-akhar. Ici dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi Ati bab al-jannah, je viendrai devant la porte du paradis. Je demanderai l'autorisation donc d'y pénétrer ou de l'ouvrir. Fayaqul al-khadim, celui qui détient la clé, l'ange qui s'occupe d'ouvrir cette porte-là, qui est actuellement le paradis et l'enfer sont créés. Al-jannah ou al-nar makhluqatan, al-an. Au moment où je vous parle, le paradis et l'enfer sont créés déjà et tous les jours. Le paradis s'embellit et tous les jours l'enfer s'enlaidit. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve de l'enfer et qu'il nous fasse partie des gens du paradis, le plus élevé, inshallah, en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de tous les autres compagnons, ainsi que tous les autres prophètes qui l'ont devancé, inshallah. Subhanallah. Et tous les jours le paradis s'embellit. Il s'embellit pour justement attendre des croyants comme vous, inshallah, voilà nous affirme Allah et ahad Allah majalna minhum, pour rentrer et accéder à ce paradis-là. Alors, il demandera le prophète والسلام, d'ouvrir cette porte-là. Fayaqul al-Khadim, celui qui s'occupe d'ouvrir cette porte-là, qu'est-ce qu'il dira? Man anta? C'est qui? Ou qui es-tu? Fayaqul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fayaqul bika umirt an la aftah li ahad min qablak. Il m'a été ordonné de ne pas ouvrir cette porte avant toi. Voilà ce que le prophète والسلام, il a. Rapprochez-vous un petit peu, Barakallahu fikoum. Rapprochez-vous de ces révérences. Tu as vu la place que le prophète, alayhi salatu wasalam, il a sur ce manzila? Manzila al-Rasul, ça va être l'Indallah? C'est le malak. Mais il ne cherche pas le rasul, son il dit, il dit, man anta wa yqulu ana Muhammad, il dit, bika, umir, la aftah li ahadin qablak. Wa raghma dhalika, ma da'a ghayr Allah? Ma da'a illa Allah. Illa invoqué, qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. وجاء في صحيح مسلم في جوابه صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين اعترضوا على هديه فقال أحدهم et donc dans le hadith qui est rapporté par مسلم ici, le prophète عليه الصلاة والسلام a répondu à ces trois personnes qui sont venues le voir أما أنا فإني أصوم الظهر ولا أفطر. Quant à moi, je jeûne et je ne mange pas. Faqala al-thani, le deuxième, il a dit ama ana fa aqumu al-layl wa la arqud, moi je prie toute la nuit, je ne dors pas. Wa qala al-thalith ana fa ama ana fa atazawwaj an-nisa, qala ama ana fa la atazawwaj an-nisa, moi je ne me marie pas les femmes. Kama al-babas a'udhu billahi minhum. Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam il a dit? Ama wallahi fa inni la akhshakum lillah, il dit moi je crains plus que vous Allah subhanahu wa ta'ala, je crains plus que vous Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atqakum walakinni asumu wansi, mais je jeûne et je rentre mon jeûne, je mange. Wa aqum wa arqud, et je me lève pendant la nuit, mais je dors, je me repose. Wa atazawwaj an-nisa, et je me marie les femmes. Fil halal tab'an, dans le halal. ومن راغب عن سنتي فليس مني اي فليس من امتنا. Et celui qui fait autre que ce que nous avons fait comme enseignement, il ne fait pas partie de ma communauté. نعم. فاذا كان هذا هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وخشيه لله وقد امره عز وجل ان يلتزم اعتقاد النفع والضر بيده سبحانه وتعالى ولا يدعو احدا من دونه لجلب منفعه او دراء مفسده وهدده إن خالف ذلك أنه قال يعني سبحانه وتعالى للظالمين أو يجعله من الظالمين. Ici, on s'aperçoit bien que le prophète, malgré la place qu'il avait et qu'il a toujours, on s'aperçoit qu'il n'a pas invoqué autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a fait qu'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus de ça, il l'a mis en garde. Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde le prophète alayhi salatu wa salam. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wa salam, Bachar, c'est un homme. Le prophète alayhi salatu wa salam, c'est un homme. On n'adore pas le prophète. La na'abudu al-rasul sallallahu alayhi wa sallam. On n'adore pas le prophète. On aime le prophète alayhi salatu wa salam. Nuance, attention. Quel bizarre il est le mec. Il y a d'un qui te boulouad al-kalam, mais on a tellement de rasul sallam. يقول لك من حج الرسول صلى الله عليه وسلم وانت تشوف في حياته هذا بعيد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك من يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وانت يحبه نهار واحد يحب الرسول صلى الله عليه وسلم نهار واحد يناك كيف كيف يبون تدير يبون تدير toi tu n'aimes pas le prophète عليه الصلاة والسلام, nous nous aimons le prophète عليه الصلاة والسلام. Ah bon, pourquoi vous aimez le prophète et nous on l'aime pas? Parce que nous on commémore la naissance du prophète, le Maulid al-Nabawi. Ils vont te dire, nous on commémore la naissance du prophète alayhi salatu wa sallam, c'est pour ça qu'on l'aime. Mais vous ne l'aimez pas puisque vous ne le faites pas. Ah d'accord. Bon alors attends, on va remettre les choses à les pendules à l'heure. Vous pourquoi vous le faites et nous pourquoi nous ne le faisons pas? Parce que vous avez innové en religion et nous on n'a pas innové en religion. Est-ce que les compagnons après la mort du prophète alayhi salatu wa sallam, ils ont fait Maulid al-Nabawi? Ils vont te dire non. Parce qu'il n'y a pas de texte. Ma kesh, les yeux qu'on les dara. D'accord. Laisse les compagnons, radi Allahu anhum. Tabi'in. تابعين العلماء الى هذا الجيل اسكي لونطي ايلون فاتي نو aujourd'hui on va le faire. Donc c'est pour ça qu'on aime le prophète عليه الصلاه والسلام. D'accord, vous aimez le prophète عليه الصلاه والسلام une fois par an. Nous alors on va vous dire combien de fois on aime le prophète عليه الصلاه والسلام. On l'aime 365 jours sur 365 jours. On vit avec le prophète عليه الصلاه والسلام, avec la sunna du prophète عليه الصلاه والسلام, dans sa façon de manger, dans sa façon de dormir, dans sa tenue vestimentaire, dans sa façon de vivre avec les gens en dehors de sa maison, avec sa femme, avec ses enfants, dans son boulot, avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, on dit, ouais, mais attends, tu te presses là. Comment ça, on ne peut pas faire la naissance du prophète, alayhi salatu wa sallam, on ne peut pas fêter. D'accord, en supposant que vous avez innové en religion en disant que oui, c'est bien, on commémore la naissance du prophète, alayhi salatu wa sallam. En base, sachez pour votre conscience que la naissance du prophète, alayhi salatu wa sallam, coïncide avec la mort du prophète alayhi salatu wa sallam. Où est-ce que le Rasoul sallam? Le 12 Rabi' al-Awwal. Il est né quand? 12 Rabi' al-Awwal. Quand est-ce qu'il est mort? 12 Rabi' al-Awwal. Il est mort quand? Sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort le 12 Rabi' al-Awwal. Qu'est-ce qu'on doit commémorer? On doit être content parce que c'est la naissance du prophète alayhi salatu wa sallam, ou on doit être triste parce qu'on a perdu le prophète alayhi salatu wa sallam? لا إله إلا الله. يقول تبارك وتعالى ولا تدعوا أي هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لنا. C'est un message qui nous est adressé et qui est adressé déjà pour le prophète et pour nous. Ici nous dit Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول تبارك وتعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Ici dans ce verset là Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au messager d'Allah à son messager ainsi que les générations à venir. Il dit dans le sens rapproché ou relatif du verset, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire, et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Dans le deuxième verset qui suit, وَإِنْ يَمْسَكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ. Dans le deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala il continue en disant, et si Allah fait qu'un mal te touche, un mal, une épreuve, un fléau quelconque, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. À partir du moment où on médite sur des versets comme ça, on a compris que notre Créateur est Allah subhanahu wa ta'ala. On sait qu'on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Ici le message s'adresse à qui? Au prophète alayhi salatu wa salam. وفي هذه الآية كما لا يخفى تنبيه على أن المدعو لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر حتى يعطي من دعاه أو يعطي من دعاه. Si maintenant on invoque autre que Allah subhanahu wa ta'ala qui ne possède rien du tout, parce qu'en dehors d'Allah personne ne possède, mais il y en a يتجاهلون الأمر لا يجهلون الأمر يتجاهلون الأمر. C'est pas parce qu'ils ne le savent pas. Ils le savent, mais ils font semblant de ne pas savoir. C'est déjà halloween. Alors ils vont demander à autrui. هذا يطلب الجيلاني يا سيدي الجيلاني وهذا يا البدوي وهذا يطلب يا شيخ بندا وهذا يطلب يا فلان ويا فلانة إلى آخره. Ça encore, c'est grave. Ça encore, c'est grave. Mais c'est encore plus grave quand tu demandes à des animaux. Ubad al-Bakar, Ubad al-Fil, Ubad al-Kedj. Ceux qui adorent des vaches et ceux qui adorent des moutons. C'est grave. C'est grave. Parce que cette personne-là qui adore une vache, par exemple, je ne dirais pas qu'elle est bête. Je ne sous-estime pas cette personne-là. Mais je ne vois pas qu'est-ce qu'elle a dans sa tête. La vache, خير منه. Pourquoi la vache, elle est mieux que toi? Je vais te dire, moi, pourquoi la vache, elle est mieux que toi. La vache, tu profites de son lait. La vache, tu profites de sa viande. La vache, tu profites de sa peau. Ana internet, on est statué de même quelqu'un. Et toi, de quoi on profite de toi? Toi, tu es en train d'adorer une vache. Ana, elle t'a donné cette vache pour que tu en manges. Tu bois de son lait, tu manges de sa viande, tu profites de sa fourrure et de sa peau, et toi tu as adopté tout ce bien. Comment je vais demander à quelqu'un qui est faible? Comment je vais demander à quelqu'un qui ne possède pas? Donc on a dit wa fi hadhihi al-aya kama la yakhfa tanbihun ala anna al-mad'u la budda an yakuna malikan lin-naf'i wad-dharr hatta ya'ti man da'ah, afin de pouvoir exaucer et de donner selon la demande. Au lieu de s'y chavir même en ça, et que de venir à l'encontre de celui qui l'a désobéi. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلَّهِ وَحْدَهِ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَدْعُو دُونَ مَسِوَهِ وَلَا يَجُوزَ أَنْ نَدْعُوَ غَيْرَهُ. Et donc, on en conclut qu'on ne peut demander autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais m'arrêter ici pour cette khutba, que je continuerai bi'idhnillah, parce que le temps ne nous permet pas de faire tout ce qu'on a préparé ici. Je reprendrai, Inch'Allah, à partir du moment où je me suis arrêté. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم الحساب. برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.